tiens, attends, je vais te faire écouter un truc. Attends, j'ai fait ça hier. Merde, non, c'est pas ça. C'est là. Attends. Là-dedans, c'est... non. Attends, touche pas, putain. C'est... mais arrête, putain. Oh, qu'est-ce que t'as foutu, putain. Non, attends, c'est c'était là. Ça. Ah, il est là, ouais. Celui-là. Ah, c'est pas mal, ouais. Non, mais attends, dégage, allez, arrête, attends. Laisse tomber, arrête, c'est ça. Oh, ta gueule. Mais non, c'est... mais non, mais ça, c'est la chienne, c'est celle-là, c'est le 3, là. Non, c'est celui-là, le 9. Mais non. Putain, bon, bah... mais arrête, ah, putain, touche pas ça, connard, vas-y. T'as bouffé ma mère, enculé.